L'actualité à Nancy et ailleurs. Cécile Harry, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante à l'ENSAIA, École nationale supérieure d'agronomie et d'industrie agroalimentaire, et vous serez en compagnie de deux autres étudiants ce week-end à Saint-Max à l'occasion du salon Bien-être. Alors tout simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre présence à ce salon ? Alors nous serons présents à ce salon puisque nous avons été pendant 3 mois à l'étranger en stage dans le cadre de nos études. Et malheureusement, pendant notre stage, nous avons subi une série de séismes, dont un de magnitude 7, donc qui a détruit quasiment tout sur son passage. Du coup, nous avons décidé d'aider les sinistrés donc de ces séismes quand nous étions à Bali avant de rentrer en France. Donc, pendant le salon de ce week-end, nous proposons à la vente des produits que nous avons ramenés de Bali avec nous. Et nous organiserons également une tombola et deux conférences le samedi et le dimanche. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte de ces séismes? Où est-ce que ça se passait et quand? Alors, les séismes, ils ont eu lieu dans le nord de Lombok, en Indonésie. Donc, Lombok, c'est à côté de Bali. Et nous étions, nous, sur une île qui fait partie de Lombok, qui est située sur la côte nord-ouest, qui s'appelle Gili Trawangan. Donc, vous étiez sur place à l'occasion d'un stage. Hein. Vous étiez au sein d'une ONG sur place. Hein. C'était laquelle? Oui, nous étions avec l'ONG Gili Eco Trust, qui est une petite ONG environnementale qui travaille sur la durabilité donc, de l'île. Sur principalement la restauration des récifs coralliens et la gestion des déchets. Et vous avez donc vécu vraiment au plus près ces séismes du 5 août dernier? Oui, nous étions donc sur place. Quand ça s'est produit, en quelques secondes, tout s'est effondré autour de nous. Donc on a couru, il y avait plein de blessés autour de nous, il faisait nuit. On s'est mis à l'abri et en hauteur à cause de l'alerte tsunami qui a été lancée. Il y a eu plus de 550 morts, hein, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, voilà, une fois que vous aviez été rapatrié à Bali, vous avez décidé d'être actif et d'aller au-delà et de pouvoir rendre service à tous les sinistrés. Et donc, vous serez ce week-end. Alors, il y a une vente sur place, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, une vente de produits locaux essentiellement? Oui, il y aura par exemple du café, de l'encens, des bijoux, du baume du tigre et plein d'autres produits. Et l'argent récolté ira directement en aide aux sinistrés? Oui, c'est ça. L'argent ira à l'ONG pour laquelle nous avons travaillé, qui redistribuera ses fonds sur l'île de Lombok. Alors, vous pouvez nous réexpliquer où est-ce qu'on vous retrouve ce week-end et les horaires éventuellement? Alors oui, nous serons présents ce week-end au Salon du Bien-être Foyer Culturel de Saint-Max, le 6 et 7 octobre. Les horaires d'ouverture sont de 10h à 19h. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur ce sujet? Je tiens à saluer les deux compagnons qui étaient avec moi lors de cette aventure, qui sont Pierre Meunier et Adeline Moreau. Voilà, qui seront présents aussi ce week-end? Ils seront aussi présents, oui. Qu'on n'hésite pas donc à venir à votre rencontre à l'occasion du Salon Bien-être ce week-end des 6 et 7 octobre. Cécile Harry, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 0383 35 22 62.